La voie située sur la gauche comporte deux indices importants. Le marquage est large et la flèche indique une direction vers la gauche. Cette voie est une voie de stockage qui permet de tourner à gauche un peu plus loin. Une fois engagé sur celle-ci, je ne pourrai tourner qu'à gauche. Je ne peux donc pas l'utiliser pour dépasser. Réponse B.